héritage. Quoi d'autre je peux demander à la vie si tu ne crois plus en moi et je suis ta joie. Que quoi d'autre espérer du néant si le matin un ange m'a offert son sacrifice, laissant tire fort et dans une minute se confondre argent et eau rouge. Angoisse de vivre. J'ai une petite fille dans mes entrailles qu'elle me donne de la guerre, mais elle me chante de vieilles chansons, les émotions qui s'asphyxient. Loser. Je viens de perdre toutes les guerres et dans la tranchée j'ai laissé des fleurs qui t'effacent les honneurs quand la mort revient. Fruit amer, tu t'es si occupé que tu as malmené le présent et le passé. Tu as pris peur. Il ne restait que l'avenir pendu de ton art, pendu à ton art. Celui qui obscur se remplissait de fruits si amers. Vas-tu? Tu étais toujours le plus aimé, le plus chéri, l'adoré, le coffre de mes rêves. Plein de compliments, tu es apparu et tu as rempli l'espace, hier si triste, aujourd'hui si démoni. Tu m'as connu, je t'ai donné toutes les clés de l'occulte. Et ce fut le bordel, c'est qu'aujourd'hui encore, macabre. Signe. Sonne l'interphone et je pense que tu es mon signe, que tu as abandonné les lacs, qu'enfant tu subsistes, emparé dans les flaques de ta déclive. Et je m'ouvre, j'y crois pas. Pas au miracle, je te préfère en liberté. Enfin, ne me demande pas comment j'ai réussi à te sortir de mon cosmos et ses gris. Le profil de ton ombre, quand je trépasse les jours, les mémoires, et enfin je marche au pays des rêves, et je ne me tâche ni avec tes alliés qui sont en train de sonner. Tu n'es plus mon maître, enfin je le proclame. Crie. Au revoir, petit garçon. Tu as tari mon cri. Quand j'ai détourné le dos, je l'ai mis dans ma sacoche pour ne plus rester exhauste quand s'exhale de ma bouche. bell'alma, bell'amma. S'affollo, se cabro, se cambro, la calme qui n'attend plus. Prédiction, disent les sorcières de mon appartement, que tu vas apparaître dans un moment. Comme si tu étais sorti d'un mauvais roman, et cela me maintient vivant dans l'espoir que la balance sereine la mouvance entre ton haleine et la maîtrise que j'ai de ces poèmes. Plus, je ne me fatigue plus d'écrire. Je pressens que je vais continuer pour longtemps. Ce vers pour toi, pour orner mon malheur, sans te baisser, je me trouve. Sans valeur. Tess Arendt, traduite par moi, Annelie.